La légende dorée de Jacques de Voragine, traduction par Théodore Deviseva. Chapitre 44. La chaire de Saint-Pierre à Antioche. 22 février. L'Église célèbre en ce jour la chaire de Saint-Pierre, parce que c'est en ce jour que ce saint, à Antioche, s'assit pour la première fois dans le siège pontifical. Et l'institution de cette fête est due à quatre causes. Premièrement, comme Saint-Pierre prêchait à Antioche, le préfet Théophile lui dit « Pierre, pourquoi corromps-tu mon peuple ?» Et comme Pierre lui prêchait la foi du Christ, il le fit enchaîner et jeter en prison, où il ordonna qu'on le laissât sans boire et sans manger. Mais Pierre, déjà défaillant, reprit assez de force pour lever les yeux au ciel et pour dire « Jésus-Christ, soutien des malheureux, sois mon soutien dans ces tribulations. » Et le Seigneur lui répondit « Crois-tu donc que je t'ai abandonné ? Bientôt viendra quelqu'un qui secourra ta misère. » En effet, saint Paul, en apprenant l'incarcération de Pierre, vint trouver Théophile et se présenta à lui comme un artiste d'une habileté extrême, sachant sculpter le bois et le marbre, peindre sur la toile, etc. Théophile le pria d'habiter chez lui. Et peu de jours après, Paul pénétra secrètement dans le cachot de Pierre. Voyant celui-ci presque mort d'épuisement, il pleura des larmes amères. Puis, se jetant dans ses bras, il lui dit « Ô Pierre, mon frère, ma gloire, ma joie, moitié de mon âme, reprends tes forces !» Alors Pierre, ouvrant les yeux et le reconnaissant, se mit à pleurer, mais sans pouvoir parler. Paul lui ouvrit la bouche et y versa de la nourriture, qui ne tarda pas à le réconforter. Puis, se rendant auprès de Théophile, saint Paul lui dit « Ô bon Théophile, homme aimable et hospitalier, rappelle-toi qu'un petit mal suffit pour détruire un grand bien. Qu'as-tu fait de ce serviteur de Dieu qui s'appelle Pierre ? Faible et pauvre, il ne vit que par la parole. Et c'est un tel homme que tu as pu mettre en prison ? Sans compter que, si tu l'avais laissé en liberté, il aurait pu être utile, car on dit qu'il guérit les malades et ressuscite les morts. » Et Théophile, « Ce sont là des fables, mon cher Paul. Car si cet homme pouvait ressusciter des morts, il pourrait bien se délivrer lui-même de sa prison. » Et Paul, « On m'a dit que, de même que le Christ, qui ensuite est ressuscité, n'a pas voulu descendre de sa croix, de même ce Pierre, pour suivre l'exemple de son maître, refuse de se délivrer, préférant souffrir pour le Christ. » Alors Théophile, « Eh bien, va lui dire que je lui rendrai sa liberté s'il ressuscite mon fils, mort depuis 14 ans. » Paul rapporta cette condition à Pierre qui lui dit « C'est là un bien grand miracle qu'on exige de moi, mais la grâce de Dieu le fera par moi. » Puis, conduit au sépulcre du fils de Théophile, il ordonna qu'on ouvrit la porte, et le mort ressuscita. Mais nous devons avouer que ce miracle ne nous paraît pas très vraisemblable. D'abord, à cause des 14 ans que Dieu aurait permis que le mort passât dans son tombeau, et puis surtout à cause de la ruse et du mensonge que l'histoire prête à saint Paul. Toujours est-il que Théophile et tout le peuple d'Antioche finirent par se convertir au Seigneur et construisirent une magnifique église au milieu de laquelle ils mirent une chaire très élevée pour Pierre, d'où il put être vu et entendu par tous. Il y siégea pendant 7 ans avant de se rendre à Rome, où il siégea ensuite dans la chaire romaine pendant 25 ans. Et c'est en souvenir de cet événement que l'Église célèbre cette fête, parce que ce jour-là, pour la première fois, les chefs de l'Église commencèrent à être élevés en nom et en puissance. Cette fête est, comme on le sait, la troisième de celles où l'Église célèbre le glorieux successeur du Christ. Saint-Pierre a en effet mérité d'avoir 3 fêtes. D'abord parce qu'il a été privilégié parmi les apôtres en 3 choses, en autorité, en amour du Christ et en pouvoir d'opérer des miracles. De plus, Saint-Pierre a été le prince de toute l'Église, qui est répandue dans les 3 parties du monde, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. De là, les 3 fêtes où l'Église l'honore. Enfin, Saint-Pierre, depuis qu'il a reçu la faculté de lier ou de délier, nous délivre des 3 genres de péchés, ceux de la pensée, ceux de la parole et de l'acte, comme aussi de ceux que nous commettons envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes. Deuxièmement, la seconde cause de l'institution de cette fête se trouve indiquée dans l'itinéraire de Clément. Comme Saint-Pierre s'approchait d'Antioche, tous les habitants vinrent au-devant de lui, revêtus de cilice, les pieds nus et la tête couverte de cendres, en signe de leur repentir, car ils avaient cru au mensonge de Simon le magicien. Et Pierre, heureux de se repentir, fit placer devant lui tous les malades et les possédés. Et dès qu'il eut invoqué sur eux le nom de Dieu, une immense lumière apparut, et tous furent guéris. Pendant la semaine qui suivit, plus de 10 000 hommes reçurent le baptême. Ce que voyant, le préfet Théophile transforma son palais en basilique, et y fit placer pour l'apôtre une chaire très élevée, d'où il put être vu et entendu par tous. La contradiction n'est qu'apparente entre cette histoire et celle que nous venons de raconter, car rien n'empêche que Pierre ait été mis en prison par Théophile et délivré par l'entremise de saint Paul, puis que, pendant un de ses voyages, les habitants d'Antioche se soient laissés prendre au mensonge de Simon le magicien et s'en soient enfin repentis. Troisièmement, en troisième lieu, cette fête, qu'on appelle aussi le banquet de Saint-Pierre, doit son institution à une coutume ancienne que l'Église a transformée en une fête chrétienne. En effet, maître Jean Bellette raconte que c'était l'usage chez les païens, au mois de février, d'aller porter un repas sur la tombe des morts. Les païens croyaient que ces repas étaient mangés par les âmes de leurs parents défunts, tandis qu'en réalité, c'était les démons qui s'en régalaient. Et comme les premiers convertis au christianisme avaient peine à se départir de cette coutume, on résolut de substituer au banquet des morts, le jour de la chaire de Saint-Pierre, un banquet célébré en l'honneur du saint. Quatrièmement, et cette fête a aussi pour objet de célébrer l'institution de la tonsure des prêtres, car pendant que Pierre prêchait à Antioche, on lui fit raser la tête en signe d'infamie. Et ce signe d'infamie fut ensuite adopté par tout le clergé en signe d'honneur. Au point de vue symbolique, la tonsure signifie la conservation de la pureté, l'abandon des ornements extérieurs et le renoncement aux biens temporels. Et si la tonsure est de forme circulaire, c'est pour donner à entendre que, le cercle étant la plus parfaite des figures, les prêtres doivent veiller à représenter sur terre la perfection chrétienne.